Vous connaissez peut-être l'histoire d'un certain Jim Elliot. C'est en mars 1956 que cinq jeunes missionnaires américains s'envolaient pour la forêt amazonienne avec leur désir d'apporter au fin fond de cette forêt impénétrable l'évangile de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ils voulaient s'approcher des Indiens Oka, une tribu sauvage qui n'avait pas connu encore les hommes blancs. Et en venant ainsi annoncer l'évangile, les Indiens ne leur ont pas laissé le temps d'annoncer la parole. Ils les ont massacrés sauvagement, à coups de flèches et de sarbacanes, se sentant menacés et n'étant pas ouverts à ces gens étranges qui venaient sur leur territoire. À l'époque, la réaction du public avait été « Oh, quel gâchis !» Des jeunes hommes, dans la force de l'âge, pleins de zèle, pleins d'amour, qui se font ainsi massacrer, voilà des vies qui n'auront servi à rien. Et pourtant, la femme de l'un d'entre eux, Elizabeth Elliot, décida de continuer leur travail. Elle est venue pardonner ces Indiens et vivre au milieu d'eux, les fameux Indiens Oka de l'Amazone. Et un par un, ces sauvages, entre guillemets, ont accepté l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et cette histoire de l'amour de Dieu, de l'obéissance de jeunes serviteurs, a inspiré et continue d'inspirer de par le monde des générations de missionnaires. Et on a retrouvé le carnet, le petit journal de Jim Elliot, le mari d'Elisabeth. Et il y a dans ce petit calepin, on a retrouvé un message qui a beaucoup touché le monde depuis. Et ce message disait simplement « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Et ça, c'est une logique implacable. On est tous d'accord avec ça. De quoi parlait-il? Bien sûr, il parlait d'abandonner le confort, la sécurité, d'une vie sans risque, sans histoire aux États-Unis, pour gagner l'approbation de Dieu. Dieu qui pouvait leur dire « Bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Aujourd'hui, nous allons regarder quelques versets dans le chapitre 3, les premiers versets du chapitre 3 de Philippiens. Et nous allons voir comment, avant Jim Elliot, Paul avait renoncé à ce qu'il ne pouvait pas garder. Lisons ensemble les versets 1 à 7, page 225 dans la Bible à la Colombe. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Arrêtons-nous ici pour l'instant. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore une fois, l'épître de Paul aux Philippiens est appelée souvent l'épître de la joie. Le mot de joie, ou un mot qui est composé à partir de ce mot de joie, comme réjouissez, soyez joyeux, ce mot, cette notion est répétée 18 fois dans les quatre chapitres, dans l'intégralité de cette petite lettre. Paul veut communiquer la joie. Et franchement, si un chrétien marche avec Christ, il va marcher avec joie. Si je me dis chrétien et que je suis toujours en train de me plaindre, j'ai un problème. J'ai un problème parce que Dieu a dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. C'est lui qui nous donne sa joie. Si j'ai des sujets, des fardeaux qui sont trop lourds pour moi, c'est qu'ils ne viennent pas, de Dieu. Ils viennent de moi-même, de l'ennemi de mon âme, mais il nous promet qu'il nous donne du repos. Nous pouvons prendre sur nous son joug, recevoir ses instructions, car il est doux et humble de cœur, et nous trouverons du repos pour nos âmes. Mon joug est aisé, mon fardeau léger. Quand on est léger, on a la joie. La joie, elle n'est pas dans nos circonstances. Nos circonstances, elles vont être difficiles par moments. Nous vivons dans un monde qui est taché, souillé par le péché. Mais notre joie, elle n'est pas dans nos circonstances, elle est dans le Seigneur. On peut tout perdre, possession, être cher, santé, mobilité, vie, mais on ne peut pas perdre Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Si vous avez des doutes, revenons à Romains 8. Après le livre des Actes, Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Quand on a cette assurance, la joie, elle est dans le Seigneur, elle est inaltérable. Le chrétien, il possède une joie que personne ne peut lui ôter. Jésus disait dans Jean, « Cette joie que je vous donne, personne ne peut vous l'ôter. » J'ajouterai peut-être, si ce n'est vous-même. Si vous pouvez tellement penser à vos difficultés que vous les laissez vous submerger et vous oubliez cette joie dans le Seigneur. La joie pour le chrétien, si c'était un bois, elle serait imputrescible. Si c'était un métal, elle serait inaltérable. Si c'était un acier, elle serait inoxydable. Si c'était une conviction, elle serait inébranlable. Si c'était un meuble ou quelque chose qu'on peut bouger, elle serait inamovible. Si c'était une ville fortifiée, elle serait imprenable. Si c'était une machine ou quelque chose de construit, ce serait indestructible. Si c'était un pneu, elle serait increvable. Si c'était un fruit, elle serait impérissable. Si c'était un raisonnement, ce serait irréfutable. Si c'était un espion, elle serait indéfectible. Un navire incoulable, une armée invincible. La joie du chrétien, elle doit être inaltérable. J'ai regardé une liste de synonymes et j'ai essayé de trouver cette comparaison qui n'est pas très littéraire ni très juste, mais j'espère que ça vous rappelle que la joie du chrétien, ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser tomber. Si on la laisse tomber, on la prend, on la remet dans le cœur. Et quand je dis ça, je sais que des choses terribles peuvent nous arriver. La mort d'un être cher, la maladie, l'annonce d'une maladie mortelle, ces choses-là sont des réalités. Mais justement, le chrétien, il a cette joie dans le cœur quand elle est dans le Seigneur. Et ça, c'est ce que Paul veut nous rappeler sans arrêt. Il le dit même, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Il veut nous rappeler la nécessité de la répétition. Moi-même, combien de fois je vous rabâche, je vous rappelle les mêmes choses. Que le salut, il est dans le Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ et son sacrifice fait à la croix. Pour vous, c'est une sécurité, parce que nous avons tendance à oublier. Si nous devons répéter les choses, c'est parce que nos esprits facilement, ça s'estompe. Il faut rappeler et rappeler les choses. Et Paul, il n'a aucun complexe. Et on voit cette notion dans plusieurs passages de la Bible. Pierre dit lui-même, ça ne me gêne pas de vous répéter une autre. Et n'ayons pas peur des répétitions. La répétition, c'est la mère de la mémorisation. Si vous voulez faire une bonne chose, bien employer votre temps, mémorisez la parole de Dieu. Il y a des méthodes qui peuvent vous apprendre les passages les plus importants. Souvent, à la fin d'une Bible, il va y avoir des passages. Nous sommes en train de lire Philippiens. Vous pouvez mémoriser des passages. Pour la semaine prochaine, peut-être, vous pouvez mémoriser. Mon but, c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Et ce n'est pas en le lisant une fois que vous allez le mémoriser, l'enregistrer pour toujours, c'est en le répétant et en le répétant. Encore une fois, c'est une sécurité. Sans ces choses, on est soumis au vent de doctrine. La dernière personne qui a parlé a raison. Non, la seule garantie, c'est est-ce que c'est dans la Bible, est-ce que c'est biblique. Paul continue en disant des choses très dures. Nous avons remarqué que le ton de sa lettre était un ton plein d'amour et de compassion, d'amitié, d'intimité avec ces gens qu'il a connus pour la plupart quand il a implanté l'église à Philippe. Mais là, d'un seul coup, le ton change. Il leur dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas populaire aujourd'hui. On vit dans un monde où tout le monde, il est beau, tout le monde, il a raison. Et que même parmi les chrétiens, si on dit des choses un peu différentes, des choses qui sont contraires à la saine doctrine, on ne va pas les nommer, on ne va pas en parler, on va mettre tout ça sous le tapis au nom de l'unité du peuple de Dieu. Paul n'avait pas ce complexe. Il appelait un chat un chat, un chien un chien. Et là, il dit de prendre garde aux chiens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire attention dans la rue? Si un chien n'est pas en laisse, qu'il n'a pas sa muselière, c'est bien de faire attention. Il y a des chiens qui sont imprévisibles, qui peuvent vous attaquer. Mais là, il utilise le mot « chien » pas pour désigner le chien domestique. Il l'utilise plutôt dans la notion des chiens de l'époque, au Moyen-Orient à l'époque. Les chiens n'étaient pas des animaux domestiques. Ils n'avaient pas des rayons de nourriture pour chiens. Ils n'avaient pas des jolies laisses, des jolis jouets pour les chiens. Non, les chiens, c'était les chiens abandonnés, des chiens qui avaient des maladies, qui avaient la gale. Leur morsure pouvait être fatale. La rage était là. Il représentait un animal impur. C'est vrai qu'à Nice, les chiens sont toujours un problème. Je ne peux pas ne pas en parler. Ce n'est pas des trottoirs que nous avons, c'est des crottoirs. Mais c'est rien à côté de ce qui se passe encore dans certaines régions du monde. Mon beau-frère Mike, qui nous a amenés au Seigneur, qui a été missionnaire au Népal, nous a montré des diapositives de ce genre de chiens, comme au Moyen-Orient à l'époque de Paul, des bandes de chiens qui terrorisent les gens la nuit. On ne sort pas la nuit parce que ces chiens sont en maraude et ils peuvent vous attaquer et vous dépecer. Il nous a montré des photos qu'il a prises au flash, des diapositives, et c'est vrai que ça fait vraiment peur. Et c'est cette image qu'il faut avoir en tête lorsque Paul nous dit « attention aux chiens ». Mais il ne parle pas des quadrupèdes, il parle des bipèdes. Des chiens, ils s'attaquent aux juifs religieux. C'est parce que c'était le terme que ces mêmes juifs religieux utilisaient pour désigner les païens, les gentils, les non-juifs. Paul va renverser les rôles et il s'adresse aux Philippiens qui en majorité sont non-juifs, donc des gentils. Il leur dit « Méfiez-vous de ces juifs religieux comme il faut se méfier des chiens qui peuvent vous manger la nuit. » C'est une attaque très virulente. Ce n'est pas quelque chose qui va ravir les chefs religieux. Ils n'avaient pas peur de confronter. Trop souvent, encore une fois, nous hésitons, nous ne voulons pas, sous prétexte de tolérance ou de peur, peut-être de représailles, d'attaquer les gens qui mettent en péril l'évangile de Jésus en annonçant un faux évangile, comme l'évangile de la prospérité. Nous avons une église dans cette ville qui se réclame de cette doctrine. Il y en a même une autre, je crois, Centre Victoire, pour le nommer, qui vous annonce que si vous êtes chrétien et que vous marchez dans la droiture, vous allez être béni par Dieu, non seulement spirituellement, mais matériellement, physiquement. Si vous êtes malade, c'est qu'il y a du péché dans votre vie. Et ça, c'est un faux évangile. C'est un évangile qui a grandi, parce que qui n'aime pas entendre quelqu'un vous dire « vous allez être riche et en bonne santé pour toute votre vie ». On peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas éternel si on ne tombe jamais malade. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, Paul, il les confronte et il dit « faites attention à ces chiens, ces faux prophètes, ces faux docteurs ». Et à l'époque, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, oui, c'est très bien ce que vous dit Paul, le salut c'est par la foi, mais il faut suivre la loi. La loi, c'est non seulement les 10 commandements, mais c'est aussi les 636 ordonnances de l'Ancien Testament, et en particulier le rite de la circoncision. Vous ne pouvez pas être chrétien, sauvé, si vous n'êtes pas comme les Juifs, comme nous le sommes, circoncis. La circoncision, c'était un rituel qui avait été donné à Moïse par Dieu comme étant un signe de reconnaissance et surtout un signe qu'il renonce, le croyant en Jéhovah, en Dieu, renonçait à la chair. C'est une opération qu'on pratiquait sur les enfants mâles, que certains pratiquent aujourd'hui encore par motif religieux ou par motif d'hygiène. Comme aux États-Unis, la circoncision est très pratiquée même chez les non-juifs par raison d'hygiène. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qui était nécessaire pour être chrétien. Vous vous souvenez que ça avait provoqué des remous à Jérusalem dans le livre des Actes, au livre des Actes, dans le chapitre 15. Paul et Barnabas avaient été convoqués pour rendre des comptes parce qu'ils annonçaient que ce n'était pas grave si on mangeait de la viande sacrifiée aux idoles, si on n'était pas circoncis. Et en fait, Jacques et les anciens ont décidé que c'était juste. Jacques avait même déclaré dans Actes 15-19 « C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer des difficultés à ces païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. » Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Et suite à ça, les anciens de Jérusalem ont envoyé Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Et il y a même un autre passage qui dit que vous mettez sur le dos de ces païens des choses que vous-même, vous n'êtes pas capable de respecter. L'erreur fondamentale, un commentateur écrit, c'était d'oublier que le chemin du chrétien passe d'abord et toujours par le calvaire. C'est pourquoi Paul souligne abondamment la faiblesse, la participation aux souffrances de Christ, la croix. Dans leur soif de gloire, les faux docteurs ont volontairement oublié le dépouillement et l'humilité nécessaires à toute vie en Christ. Ils ont en fait refusé le message central de l'Évangile. Ces faux docteurs, on les appelait aussi des judaïsants, dans le sens où ils voulaient remettre la foi juive au centre de la foi chrétienne. Ils voulaient imposer aux nouveaux chrétiens les rites du judaïsme, de la loi, de l'Ancien Testament. Et puis, non seulement il dit « prenez garde aux chiens », parlant de ces gens qui ont tendance aussi à, un peu comme des chiens, à venir renifler votre doctrine. Ils vont venir vous voir et ils vont voir est-ce que vous croyez à ceci, est-ce que vous croyez à cela. Avant même de vivre avec vous dans l'amour de Christ, ils vont vouloir s'assurer de tous vos points de doctrine. Et ils vont vous rejeter, ils ne vont pas vous accepter. Alors encore une fois, il y a le discernement que l'on doit exercer, qui vient du Saint-Esprit. Et puis, il y a les chiens qui reniflent, qui sont prêts à mordre, qui sont prêts à aboyer. Les légalistes, qui ont des règles de vie, qui ne sont pas faites pour vous approcher de Dieu, mais qui sont faites pour les mettre en valeur. Parce que eux, ces règles de vie que vous n'arrivez pas à suivre, eux, ils les maîtrisent. Eux, ils savent faire. Et donc, en imposant ces règles légalistes, il vous humilie et il s'élève. Prenez garde aux mauvais ouvriers, il continue. C'est toujours un peu le même groupe. Et ces faux docteurs judaïsants qui travaillaient à imposer leur fausse doctrine. Jésus n'avait aucune tendresse pour ces religieux hypocrites qui étaient tout dans l'extérieur et non dans l'intérieur. Vous vous rappelez, dans Matthieu 3, 7, il voit venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et il leur dit, c'était ces chefs religieux juifs, il leur dit « race de vipères ». C'est pas comme ça qu'on gagne les élections. Je doute que Obama ou McCain aillent dans un discours appeler les gens race de vipères. Et Jésus n'avait pas peur. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? N'imaginez pas pouvoir dire nous avons Abraham pour père, car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il était en colère contre ceux qui avaient transformé le temple en un lieu de marché, en un marché. Il leur avait dit, vous vous souvenez, en chassant les vendeurs du temple, cette maison doit être une maison de prière et vous en avez fait un lieu de corruption. Jésus savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Il se fâchait contre l'hypocrisie. Paul, lorsqu'il se met en colère, c'est pas tant contre l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que l'hypocrisie, c'est pas toujours facile à détecter. Jésus le faisait. Le don du discernement peut nous aider. Mais une chose que nous pouvons détecter facilement, relativement, c'est la fausse doctrine. Pourquoi ? Parce que nous avons la vraie doctrine dans la parole de Dieu. Et Jésus, lui, voyait l'hypocrisie. Paul, il reconnaissait la fausse doctrine. Et il se mettait en colère contre les mauvais ouvriers. Et il disait, prenez garde aux faux circoncis. Et puis il ajoute, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Paul, en grec, fait un jeu de mots. La circoncision, c'était un mot qui voulait dire couper couper le prépuce autour du sexe du jeune garçon. Les faux circoncis, c'est en fait la coupure qui se fait le long, pas très, de façon très sûre. L'idée, c'est que c'est une mutilation, c'est pas une coupure de circoncision, c'est une fausse, mauvaise coupure. Et ce qu'il veut dire par là, c'est quelque chose de fondamental. Le spirituel et le rituel, c'est pas la même chose. Le rituel, c'est le spirituel sans le spi. C'est bête, mais peut-être ça va vous aider à vous rappeler. Le spi, je pense à ceux qui ont fait un peu de voile, c'est cette grande voile qui peut se gonfler avec le vent et vous faire avancer très vite. Le rituel sans le spi, vous allez nulle part. Si l'esprit le vent de l'esprit est là pour vous pousser, vous allez être spirituel, vous allez avancer, vous allez marcher selon Dieu. Le rituel et le spirituel. D'un côté, il y a quelque chose d'intérieur, de l'autre côté, il y a quelque chose d'extérieur. Un rituel, un rite, n'a de mérite, n'a de valeur que s'il correspond à quelque chose de vrai à l'intérieur, à quelque chose de spirituel. Sinon, ça ne sert à rien. Si les gens se font circoncire dès leur plus jeune âge et qu'ils considèrent ça comme un mérite auprès de Dieu et qu'ils se moquent de Dieu, qu'ils ne recherchent pas Dieu, qu'ils ne cherchent pas à connaître sa parole, qu'ils ne cherchent pas à vivre selon ses préceptes, ce rite, cette circoncision, c'est comme une fausse circoncision. S'il n'y a pas la réalité intérieure, le rite extérieur ne vaut rien du tout. Le rite sans la réalité, zéro. La réalité sans le rite, ça a de la valeur. Maintenant, si vous choisissez de montrer quelque chose d'intérieur par un rite extérieur, c'est bon aussi, c'est un témoignage. C'est ce que vous faites lorsque vous faites baptiser publiquement. C'est ce que vous faites lorsque vous venez à l'église le dimanche matin avec votre Bible, parce que vous voulez rencontrer Dieu, vous voulez prier, vous voulez le connaître davantage. La réalité ou l'apparence, l'extérieur ou l'intérieur, le spirituel ou le rituel. Le grave problème, c'est que Dieu seul est à même de juger de l'intérieur. Dieu regarde au cœur, Dieu voit le cœur. Et la réalité, elle est appréciée de Dieu. Et nous, les hommes, tout ce qui nous compte pour nous, c'est l'extérieur. On en parlait, je crois, dimanche dernier, c'est l'apparence. Nous, ce qui compte, c'est le rituel, c'est le rite. La réalité, on n'est pas à même d'en juger rapidement. Mais Paul leur dit, cette circoncision, c'est rien du tout. Il dit, les vrais circoncis, la vraie circoncision, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus, qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Trois marques du vrai chrétien, du vrai circoncis. La circoncision, c'est pas quelque chose de nouveau. Moïse, dans Deutéronome 10:6 ou 36, nous disait que ça devait être une circoncision du cœur. Donc cette circoncision du sexe des jeunes garçons, ça devait correspondre à une réalité intérieure. Et cette circoncision, encore une fois, c'était de renoncer à ce qui symbolisait la chair. La chair, dans le vocabulaire de Paul, le vocabulaire du Nouveau Testament, c'est cette partie de notre nature qui n'a pas encore été rachetée. C'est la partie de notre intellect qui n'a pas été encore ravivée par l'Esprit Saint. Cette vieille nature, on peut traduire la chair par l'expression « vieille nature », par opposition à l'esprit régénéré par Dieu. Et nous savons qu'il y a une bataille qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs. Galates 5, 17, on peut regarder, c'est juste un peu avant, qui compare justement l'esprit et la chair. Galates 5, 17. La chair, cette vieille nature, a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il y a cette guerre civile à l'intérieur de notre cœur entre l'esprit qui veut prendre de plus en plus d'importance et notre vieille nature, cette chair qui veut se rebeller contre Dieu. Et cette circoncision du cœur, ça veut dire que notre cœur, notre être intérieur, le cœur c'était l'être intérieur dans la Bible, elle doit être dépouillée de cette tendance à la vieille nature, à ce qui est mal, à ce qui est égoïste, à ce qui cherche la gloire propre. Toutes ces choses, notre cœur, ça doit être notre circoncision doit être une circoncision du cœur. Ça, c'était ce que disait déjà Jérémie. Soyez d'abord, pardon, je disais Moïse, ça doit être une circoncision de cœur. Jérémie disait dans Jérémie 4:4, soyez circoncis pour l'Éternel, pas seulement le rituel, mais la réalité. Circoncisez vos cœurs, enlevez tout ce qui n'est pas de l'esprit dans vos cœurs. Il y a un passage dans Jérémie 9:24, on va le lire ensemble. Verset 24, voici, chapitre 9, voici que des jours viennent, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire ainsi parle l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les circoncis qui ne le sont pas vraiment. L'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les bords de la barbe, ceux qui habitent dans le désert. Car toutes les nations sont incirconcises et toute la nation d'Israël est incirconcise de cœur. Ce qui compte encore une fois, c'est la vraie circoncision, la réalité intérieure, le spirituel, pas le rituel. Et Paul continue en expliquant trois points, j'y reviens. C'est nous qui rendons d'abord un culte par l'Esprit de Dieu. Nous adorons Dieu en esprit. Nous avons de l'amour pour Dieu et nous avons à cœur d'être au service des hommes. Ça, c'est une règle, encore une fois, dans l'enseignement biblique, dans le Nouveau Testament. Jean 4:24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons donc rendre à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint nous remplisse lorsque nous venons nous réunir ici. Qu'il inspire nos prières, qu'il inspire nos cœurs dans la louange. Que la louange, ça soit vraiment quelque chose qui vienne de notre cœur. Il y a des moments où on a envie de pleurer quand on est touché par l'Esprit Saint, ou quand on est très émotionnel. Mais c'est ces moments qui sont précieux. Si on est là en train de chanter juste pour faire du bruit ou pour faire apprendre un chant, ou ça va manquer de réalité, il va y avoir le rituel sans le spi. Nous devons, nous dit-il, nous glorifier en Christ Jésus. Il disait dans 2 Corinthiens 10:17, Paul aussi, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tout le reste, ce sont des choses qui nous ont été données, que nous avons reçues. Notre vie, nos qualités, nos dons, nos défauts, nos capacités, nos réalisations, nos accomplissements, tout ça, ce sont des choses en quelles nous n'avons aucune raison de nous glorifier. La taille de notre Église, les ressources de notre Église, le nombre de missionnaires de notre Église, ces choses peuvent être de bonnes choses, mais qui seront la conséquence d'un cœur vraiment circoncis, qui ne se glorifie qu'en Jésus-Christ. Et une troisième caractéristique de ceux qui sont vraiment circoncis de cœur, c'est que nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, dans la vieille nature, dans nos ressources. On ne dit pas nous avons des relations, donc on va pouvoir accomplir, on va pouvoir faire avancer l'Évangile parce qu'on a reçu des finances qui vont nous permettre d'imprimer des millions de tracts, de traités. Tout ce qui n'est pas Christ, tout ce qui n'est pas selon l'Esprit de Dieu, c'est la fausse circoncision. Paul utilise une façon de convaincre les gens qui est toujours efficace. Il leur dit, je vous dis de ne pas mettre votre confiance dans la chair. Et il dit, si l'on coûte à quelqu'un de se comporter ainsi, c'est bien moi. Parce que si quelqu'un avait des raisons de se glorifier, de faire confiance à sa vieille nature, alors moi, je suis le top du top. Et là, il va donner ses qualifications. On est plus convaincu par quelqu'un qui a vécu un sacrifice pour vous parler de quelque chose que quelqu'un qui n'a pas vécu ce sacrifice. Si quelqu'un vous dit, le Seigneur peut vous vouloir célibataire, et c'est formidable d'être célibataire parce que vous n'avez pas les responsabilités familiales. Vous avez tout votre temps pour servir le Seigneur. Vous pouvez aller là où l'Esprit vous pousse comme le vent. Vous recevrez, si vous êtes célibataire, d'autant mieux, surtout ce conseil, si c'est un célibataire ou une célibataire endurcie qui vous le dit. Si c'est un jeune marié qui, visiblement, est dans la lune de miel et qui dit « Oh, tu sais, ça peut être très bien d'être célibataire, vous n'allez pas le recevoir. » On va dire « C'est facile pour toi de le dire. » Et Paul, il utilise la même approche. Il dit, je vous dis de ne pas faire confiance dans la chair, mais c'est à moi que, moi, j'aurai des raisons, mais je ne fais plus confiance, je ne mets plus ma confiance dans la chair. Et là, il va passer en revue ses raisons d'être confiant dans ses ressources, dans son héritage, dans son éducation, dans sa capacité, dans son expérience. Il dit, toutes ces choses-là, j'aurai des raisons de me glorifier. Et il les passe en revue, on va le faire rapidement. Il dit qu'il a été circoncis le huitième jour. Donc il va montrer qu'il était très religieux. Alors ce n'est pas lui qui, le huitième jour, a demandé à ses parents qu'on le circoncise selon la loi de Moïse. Non, par là, il veut dire qu'il est né dans une famille très, très religieuse. Le huitième jour, il était prescrit qu'on devait circoncire le nouveau-né mâle. Et entre parenthèses, la science moderne a découvert que cette prescription de circoncire le huitième jour correspondait à une grande sagesse médicale qu'on a découverte il y a 25 siècles plus tard, ou 30 siècles plus tard. 35 siècles plus tard, 1500. Parce que c'est au huitième jour que les anticorps qui peuvent empêcher une infection sont au sommet de la production. Il n'y a jamais autant d'anticorps pour éviter des complications qu'au huitième jour. Et c'est Dieu qui l'avait prescrit aux enfants d'Israël. Et les gens disent, oh, la Bible, c'est que des légendes. Non, c'est la parole de Dieu, c'est un tout petit exemple. Il avait été, lui, circoncis le huitième jour, il n'avait pas eu d'infection et il était fier de. Il aurait pu placer sa fierté. Quand vous pensez à Paul, peut-être vous aussi, vous pouvez voir dans votre propre histoire quelles sont les choses dont je pourrais me glorifier, les choses de ma vieille nature dans lesquelles je pourrais mettre ma confiance. J'étais baptisé tout petit. Non, ça, Paul dit, c'est du rituel. Il était de la race d'Israël, la race, le peuple de Dieu. Il est né dans cette famille de Dieu que Dieu a choisi, s'est créé. Il a choisi un homme et à partir de cet homme, Abraham, il a fait naître un peuple qu'il voulait utiliser, non pas pour glorifier ce peuple, mais pour annoncer les merveilles de son amour et de sa grâce aux nations païennes. Et les Israélites, au lieu d'en faire un motif de vie ou de démarche, en ont fait un sujet de gloire. On a été choisi par Dieu. Vous avez été choisi par Dieu pour annoncer. Si vous annoncez pas, c'est comme un rituel, ça sert à rien. Vous êtes incirconcis, c'est ce que disait le prophète Jérémie, toute la nation d'Israël est incirconcise. Il était de la tribu de Benjamin. Nous, ça ne nous parle plus tellement aujourd'hui, mais il faut savoir que Benjamin, c'était le fils favori de Jacob, qu'il avait eu avec Rachel. C'était le petit dernier. Aujourd'hui, on dit un Benjamin pour dire c'est le plus jeune dans la famille. Benjamin, c'était le seul qui était né en terre promise. Les autres étaient nés en Égypte. Benjamin, c'était la seule tribu qui ne s'était pas rebellée contre Juda. Juda, la tribu de David, la tribu de Jésus-Christ, fils de Juda. Juda, toutes les autres tribus, les 10 autres tribus s'étaient rebellées après le règne de Salomon contre Jérusalem, contre Juda. Donc dire qu'on était de la race de Benjamin, c'était un motif de gloire pour les Juifs. Le roi Saül, que Samuel avait institué, avait nommé au départ, venait de cette tribu. Nul doute que c'est pour en souvenir de ce grand homme, entre guillemets, on pourrait, en étudiant la vie de David, voir qu'il avait aussi beaucoup de problèmes, mais le nom de Saül, c'était le nom du premier roi du peuple d'Israël. C'était un nom glorieux au départ. Il était hébreu, né d'hébreu. Ça fait référence au fait que ses deux parents étaient hébreux. Il n'était pas à moitié hébreu, c'était un pur sang. Et souvent, l'homme étant ce qu'il est, le racisme fait que on compare la pureté du sang, entre guillemets, entre différents groupes. Je ne sais pas s'il y a des Guadeloupéens, je crois que là-bas, on parle de quarteron, on parle de suivant qu'on a un quart de sang blanc ou moins ou plus, on se croit supérieur à l'autre. Des foutaises. Stupidité, l'orgueil vraiment mal placé. Mais il dit, moi si j'avais eu à me glorifier, j'aurais pu dire que j'étais 100% hébreu. Tout mon sang c'est du sang hébreu. Il n'y a pas eu de mélange, il n'y a pas eu de touristes, il n'y a pas eu d'anciens indiens ou quoi que ce soit. C'était du pur. Et ça voulait dire aussi que lui, dans une époque où les gens parlaient, à l'époque de Paul, essentiellement l'araméen, lui, il connaissait l'hébreu. L'hébreu n'était pas de l'hébreu pour lui. Il parlait la langue hébraïque, il pouvait lire la Torah dans le texte. Et puis il lit quant à la loi, en ce qui concerne la loi, il fait vraiment le tour. Vous voulez vous glorifier ? Il y en a qui se croient quelque chose parce qu'ils ont des circonstances, ils sont nés quelqu'un ou dans une famille. Regardez, moi en plus, la loi, mon expérience, j'étais pharisien. Alors aujourd'hui, le mot de pharisien, c'est un mot qui est négatif. On l'associe souvent avec le mot hypocrite. On dit quelqu'un que c'est une attitude pharisaïque, c'est-à-dire hypocrite, comme des. Mais à l'époque, les pharisiens, c'était simplement ceux qui étaient séparés. C'était une secte, un parti religieux juif qui comptait à peu près 6000 personnes, donc une toute petite portion de la population. Et dans un sens positif, ils avaient ce désir de préserver la Torah, de la mettre en application. Le côté négatif, c'est qu'à force d'être les champions de la loi, ils en avaient rajouté. Il y avait 10 commandements, il y avait 600 règles dans l'Ancien Testament. Ils avaient rajouté des règles aux règles. Ils avaient fait des interprétations de ces règles. Il est dit qu'on devait, le croyant devait respecter le jour du sabbat. Ils avaient ajouté des pages et des pages de règles pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire que respecter ou ne pas respecter le sabbat. Donc travailler le sabbat, c'était contraire à la loi, mais ils avaient défini que porter une épingle, c'était du travail, mais porter une pincée de sel, c'était pas du travail. C'était les champions des détails insignifiants. Jésus leur disait, vous remarquez une petite mouche, un moucheron qui va rentrer dans votre bouche, mais vous seriez prêt à avaler un chameau. Vous êtes tellement sur les détails, vous êtes trop rigoriste. Vous êtes... Et lui, Paul, il dit, si quelqu'un veut parler de respecter la loi, c'était moi. Moi, j'étais le top du top. J'étais pharisien, je faisais partie de cette élite religieuse des rituels. Au zèle, c'est bien d'avoir du zèle, d'avoir de l'énergie, de travailler, de partager sa foi. Il a dit, moi, le zèle, ça me connaît, je persécutais l'Église. Et vous vous souvenez, dans le livre des Actes, au chapitre 9, c'est sur le chemin de Damas, alors qu'il était envoyé avec des lettres du grand prêtre pour aller emprisonner et détruire le chemin, comme s'appelaient les nouveaux chrétiens, que Jésus l'a interrompu dans sa course, l'a frappé, l'a interpellé, comme on dit aujourd'hui, et l'a rendu aveugle après un grand éclair, et lui a demandé « Pourquoi me persécutes-tu ?» Dans son inconscience, dans sa... manque de connaissance, Paul, qui était sincère, persécutait l'Église, Dieu l'a interrompu. Quant à la justice légale, non seulement la justice religieuse, mais tout ce qui était payer ses impôts, faire ce qu'il faut selon la loi publique, la loi légale, la justice légale, il était irréprochable. Et donc, toutes ces choses-là, qui auraient été des sujets de fierté, comme aujourd'hui on peut être fier de notre baptême, de nos parents chrétiens, de notre bonne éducation, de notre assiduité aux réunions d'église, de prière, de culte, la participation aux œuvres sociales, toutes ces choses-là. Ce ne sont des bonnes choses tant qu'on n'espère pas obtenir le paradis, tant qu'on ne les met pas en avant pour mériter le salut. Parce que la vie éternelle, c'est un don gratuit que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. Sa mort sur la croix pour nos péchés, sa résurrection d'entre les morts, il n'y a pas d'autre façon. Lorsqu'il dit qu'il était parfait, irréprochable, il utilise un mot, ça veut dire qu'il ne commettait même pas le péché qui consiste à oublier certaines choses. Ça, c'est un péché qui est... Des fois, on est un peu surpris de réaliser qu'en fait, il y a des choses, on sait très bien qu'on a péché, mais on a oublié certaines choses et on s'est dit, je savais même pas que c'était un péché. Loin de moi l'idée de commettre le péché en ne priant pas pour vous. Ça, c'était Samuel, ou plutôt le psaume 100, je crois. Parce que Paul, il savait même les choses que nous, on oublie, lui, il ne les oubliait pas. Mais, verset 7, changement, renversement de valeur. Ça, c'est coup d'éclair sur un cheval. Mais ce qui était pour moi un gain, tout ce qui me servait de motif d'orgueil, de satisfaction, de fierté, toutes ces choses-là, et dans le texte original, un gain, c'est au pluriel. Toutes ces choses qui semblaient être des bonnes choses dont je pouvais être fier, je les ai considérées comme une seule, dans le texte original, une seule perte à cause du Christ. Tout cet acquis, tout ce travail, tout ce zèle déployé, cette activité infatigable, tout ce travail, il l'a rejeté après sa rencontre avec Christ. Pourquoi ? Parce que il a changé de système comptable. Il a vécu, à partir de ce moment-là, avec un changement de perspective. Au lieu de vivre, comme nous avons tendance à le faire pour les 60, 70, 80, voire 120 ans ici-bas, il a vécu, il a commencé à vivre en considérant l'éternité. Il a mis les lunettes de la perspective éternelle. Et ce qui semblait avant être des reflets satisfaisants, il a pu voir au-delà. Il y avait un autre grand homme qui avait fait aussi Polytechnique Elena. Il s'appelait Moïse. Il avait reçu la meilleure éducation auprès de la cour du Pharaon. Ça, c'était le mieux que le Polytechnique Elena d'aujourd'hui. Mais il est dit dans Hébreux 11, 23 qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a mieux aimé être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché, parce qu'il a estimé que l'opprobre, la honte du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin. Il mettait les lunettes à vision éternelle et il voyait la récompense. Il regardait plus loin vers la récompense. Qu'en est-il de votre vie ? Est-ce que vous êtes accablé par les circonstances ? Est-ce que vous prenez de la fierté dans les choses qui vous ont été données, même vos capacités ? Ou est-ce que vous êtes prêt à perdre, à abandonner tout ce que vous ne pouvez pas emmener avec vous, tout ce que vous ne pouvez pas gagner, pour gagner ce que vous ne pouvez pas perdre ? Si vous faites ça, sachez que c'est pas du tout de la folie, c'est de la sagesse divine. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'apôtre Paul qui, de tout son cœur, veut nous parler, veut nous convaincre de la vérité. Et qui se dit que lui aussi s'est trompé. Mais un jour, tu l'as interpellé. Et maintenant, il est prêt à perdre ce qu'il ne peut gagner pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Seigneur, que ce soit notre cœur, que ce soit notre désir, que ça devienne une réalité dans nos vies. Combien d'énergie, Seigneur, nous mettons pour des choses temporelles ? Certes, Seigneur, tu sais mieux que nous avons besoin de ces choses, du gîte, des vêtements, de ressources physiques. Mais Seigneur, tu nous dis de chercher d'abord ton royaume. Et toutes ces choses, tu nous les donnes en plus. Aide-nous, Seigneur, à enfiler ces lunettes de l'éternité. À ne pas croire que ce qui compte, c'est notre petit confort, c'est notre nouvelle maison, notre nouvelle piscine, notre nouveau travail. Ces choses sont bonnes, Seigneur, mais aide-nous à mettre les choses en perspective, à ne pas voir l'opprobre du Christ, que nous n'ayons pas honte, de nous faire appeler chrétiens, que nous soyons débarrassés des rituels pour vivre le spirituel et voir la récompense au-delà, Seigneur, comme Moïse, comme Paul l'ont vu. Et merci Seigneur, parce que lorsque nous avons cette perspective, alors la joie est nôtre, personne ne peut l'enlever, Seigneur. Cette joie inoxydable, qu'elle soit une réalité dans nos cœurs. Préserve-nous du péché, Seigneur, qui veut nous faire douter de ces réalités. Fortifie-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.